premier contact, j'arrive sans stress et sans ultra. Qu'un pack de 12 et un The Do, ouais, je suis bien là pour manquer cash. Pose un petit là, un son pour LPK. Là, je rentre dans le game en manque d'infos. Comme un hater, ce qui t'a mis, j'aime, je sais pas chanter, mais peut-être rapper. Pose la rangée et la rebier, paraît que c'est bon pour la santé. Je vais tempérer pour pas trop vous choquer. Enfile les gants et le protège dents, je suis peut-être bien là pour te balafrer. Je reste impune, comme pour tapis. Je vais t'attacher, pas tant de te lever que t'as déjà la tête sous l'oreiller. J'arrive sans stress, je peux être rapide. Comme un airbag dans tes narines ou quand une pute te suce la pine. Je pose un petit là, celui-là, roule-le pour toi. Je parle pas trop de ça, j'aime pas. J'ai deux gosses à la casse-bas, on m'appelle Joe, toujours l'incognito. Discret, jamais dispo, mais toujours partant pour un demi ou un Dijon. Et ça fait boum, bam, double jour dans tes oreilles sales. Tu fais car ça kick et tu kiffes ça. Rembobine la cassette, ne te prends pas la tête, man. On est franc car on reste à l'ancienne. Et ça fait boum, bam, double jour dans tes oreilles sales. Tu fais car ça kick et tu kiffes ça. Rembobine la cassette, ne te prends pas la tête, man. On est franc car on reste à l'ancienne. Un peu de sérieux, je suis pas Barjo. Je deviens chéro comme le Bédo. Ou un Marlboro à 10 euros, je peux pas tout claquer. Au deuxième couplet, le reste viendra pas de tralala. Si LPK l'associé, tu ne vois plus, fais attention. Mais non, pas devant, mais derrière, con. En train de te la caler dans le fion, j'ai connu le bloc et la galère. En 2010, un aller simple à Gare du Nord. Et direction Quebert, on va se croiser, mais je papote peu. C'est pas que je t'aime pas, mais je calcule pas. Ok, pour te laisser des bleus en vétéran, je pose un son là. Juste là. Premier contact, laissera pas de place. Comme Ligonès sous sa terrasse, y'a tout à créer. J'ai 36 ans, j'ai toutes mes dents, pas tous mes tifs, y'a trop de soucis, c'est évident. Là, je prends le mic et je me reprends. On m'appelle Joe, c'est l'imminent, là pour un texte, un vie saignant. Et ça fait boum, bam, double jour dans tes oreilles sales. Tu fais oh, car ça kick et tu kiffes ça. Rembobine la cassette, ne te prends pas la tête, man. On est franc, car on reste à l'ancienne. Et ça fait boum, bam, double jour dans tes oreilles sales. Tu fais oh, car ça kick et tu kiffes ça. Rembobine la cassette, ne te prends pas la tête, man. On est franc, car on reste à l'ancienne. Et ça fait boum, bam.